La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831 poste. C'est la fin de semaine de la course à Saint-Thomas-d'Idine. C'est le marathon du lac Adige. On devrait parler demain à Xavier Desharnais, également Gabriel Trottier. Mais entre-temps, il y a une athlète de Dolbeau, Mississippi, qui devrait normalement y participer. C'est Gabriel Savard qui participe au marathon de nage en eau libre. Question un peu de savoir un peu comment ça va sa saison. Elle va participer à plusieurs compétitions. On lui parle. Salut, Gabriel. Bonjour. Gabriel, 17 ans, depuis la semaine passée, j'avais rarement entendu parler de toi, mais on me dit que tu étais une athlète qui s'entraîne très fort, qui pour des différentes compétitions, tu vas participer à Chibougamau, au lac Amagantic, également à Saint-Thomas, c'est ça? Oui, exactement. OK. C'est quoi ta spécialité? Moi, en fait, je suis dans une distance à la base en Chibougamau. OK. Puis l'été, je fais toujours de l'eau libre. Et en fait, moi, ma plus longue distance, la date que j'ai faite, c'est 10 km. OK. Mais c'est dans mon objectif de faire la traversée. Donc, ma spécialité, je dirais que c'est la plus à longue distance. OK, OK. Et là, je pense que tu vas participer au marathon de la relève, aux différentes compétitions, c'est ça? Oui, exactement. Je prends part à une coupe qu'on appelle, c'est comme la coupe espoir, carottier pro color. OK. C'est la étape en fait de compétition qui se trouve au Québec. Okay. Fait que je participe au marathon de la relève qui est un 10 km, un 7 km à Mégantic. Je fais également les compétitions en eau libre qu'il y a dans la région. Puis j'ai participé à une compétition à Shawinigan qui était le championnat provincial en eau libre, qui était la première étape de cette course-là, en fait. De okay. cette course-là. Comment tu te débrouilles? Est-ce que tu te débrouilles quand même assez bien? Je sais que c'est un circuit. Es-tu dans les meilleurs? Honnêtement, là, je suis. Depuis avant la semaine passée, j'avais jamais entendu parler de toi, puis pourtant je suis beaucoup le sport là, fait que autant local que régional que national. Donc est-ce que tu te débrouilles quand même pas mal? Ben je dirais que oui. En fait, l'année passée, j'ai fini sixième au marathon de la relève. Ok. J'avais en plus on compétitionne des gens qui ont à partir de 14 ans, mais il n'y a pas de catégorie d'âge en fait en eau libre tant que ça. Fait que j'étais contre des gens qui avaient 21 ans, autant qu'il y en avait qui avaient mon âge en moi. OK. Donc, oui, je me débrouille bien, mais le sport de l'eau libre, c'est vraiment un sport qui est un sport en endurance. Les sports en endurance, c'est un sport que plus t'es vieux, plus que ton endurance est forte, en fait. OK. L'eau libre, c'est beaucoup d'expérience. Donc, là, ça va être mon troisième marathon de la relève. Puis tu cours en piscine aussi, tu compétitions en piscine. Oui. C'est quoi la différence? T'aimes-tu mieux la piscine? T'aimes-tu mieux le nage en eau libre? C'est quoi t'aimes le mieux? Ben moi, ce que j'aime en eau libre, en fait, c'est vraiment le défi, là. C'est les conditions qu'ils peuvent changer en tout moment. OK. Tout à l'heure, je sors d'un entraînement. J'ai commencé mon entraînement, le lac était très calme. D'un moment à un autre, ça a sorti comme ça, puis il y a eu des grosses bourrasques de vagues, puis là, pour environ 3 km, je nageais dans de la grosse vague. OK. Fait que moi, c'est ce que je trouve intéressant dans l'eau libre, c'est le froid qui va faire aussi la différence, les vagues. Toutes les conditions météorologiques peuvent changer, puis ça ajoute au défi. OK. Mais le fait que le lac Saint-Jean, c'est vraiment, écoute, ça fait plusieurs fois que je cours, ça fait 7-8 ans que je cours, que je couvre la traversée. Donc, j'imagine que c'est ton objectif. Ça te motive-tu vraiment? Parce qu'on sait jamais comment que ça va se passer. Là, c'est sûr qu'il y a une donnée qui va changer cette année beaucoup avec l'arrivée de la combinaison. Là, ça va changer beaucoup, là. Mais, c'est ça qui te motive aussi? Oui, mais c'est certain, moi, ça a toujours été mon objectif. En fait, c'est mon rêve de toujours participer à la traversée. Okay. C'est pourquoi la prochaine, je m'en vais à Québec, justement, pour ça. Et je veux augmenter mon volume d'entraînement. Mais c'est certain que c'est quelque chose qui me motive beaucoup, là. OK, OK. Saint-Thomas, en fin de semaine. Là, oui. c'est une compétition différente, j'imagine, aussi? que... 40 km en circuit. Ouais. Oui. Est-ce qu'on comment on l'aborde, Saint-Thomas? Saint-Thomas, c'est quand même un gros... C'est 2,5 km de tour. OK. 7 km, en fait, c'est rapide tout le long. Là. Peu importe la course qu'on fait, en fait, tout en nous libre, c'est juste c'est rapide tout le long. C'est, l'intention, c'est de garder un rythme le plus rapide possible, le plus longtemps possible. Fait que comment est-ce qu'on l'aborde? C'est rapide dès le début, un départ explosif, parce que d'après moi, il va quand même avoir beaucoup de gens. Vu que c'est la deuxième étape de la coupe que je vous parlais tout à l'heure. Okay. Mais on ne diminue pas son entraînement parce que l'objectif principal, c'est surtout 10 km, je dirais. OK. Donc, c'est 10 km, évidemment. Donc, toi, c'est une préparation aussi pour ce marathon-là. Ça sert beaucoup à ça, les nageurs, hein? Oui. OK. Comment tu vois l'arrivée de la combinaison? Ça va changer beaucoup la donne dans le nage en eau libre. Comment tu vois ça? Ben moi, honnêtement, je trouve ça plat parce que l'eau froide, c'est quelque chose qui m'avantage par rapport aux autres. Et nous, on a la chance d'avoir le lac Saint-Jean tout près. On s'entraîne beaucoup dedans. On est habitué à l'eau froide, les largeurs du lac Saint-Jean. C'est un avantage pour nous. Mais c'est sûr qu'avec l'arrivée de la combinaison, ça vient que c'est plus vraiment un avantage parce que tout le monde va avoir un... Tout le monde va être capable de résister à l'eau froide avec ça. Mais... Je dirais que ça peut avoir des aspects positifs comme ça peut avoir des aspects négatifs. Puis on n'a pas le choix de vivre avec, donc nager avec. Dis-moi maintenant, le fait également que tu vas compétitionner, donc ça c'est Saint-Thomas fin de semaine, ça va être après ça, ça va être quoi? Ça va être Roberval ou ça va être Lac Mégantic? Ouais, ben, la semaine prochaine, c'est le 1-2-5 qui est pris à Roberval. OK. Je vais participer en termes de préparation pour mon 10 km. Le okay. Donc, ensuite, ça va être Mégantic le 11. OK. Hey, on va avoir une piscine à Dolbeau-Missassigny, une nouvelle piscine. Comment tu trouves ça comme une athlète qui semble être une athlète de pointe comme toi, là? Ça doit te motiver davantage? Ben, moi, je trouve ça vraiment fun parce que ça va vraiment aider les choses de natation à se développer. Moi, je trouve ça fait 5 ans que je nage à Alma. Je suis en forêt là-bas. OK. Mais c'est certain que si j'avais eu la chance d'avoir une belle piscine comme ça, probablement que je serais restée à nouveau aussi. Là. Fait que je pense que c'est vraiment bien pour ça. Puis le développement du club aussi, c'est sûr que c'est bien. OK. Ben Gabriel, bravo, félicitations. Je pense que j'ai appris de connaître cette semaine. On va se reparler sûrement d'ici la fin de l'été. Bien, parfait. Merci beaucoup. Notre athlète Gabriel Savard, une nageuse de Dolbeau-Missassigny.